Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Parmi les mots-clés qu'en 1971, Pierre Lhoste soumettait dans son émission à Jean Cassou, il y avait le mot « résistance ». Engagé dès septembre 40 dans le combat contre l'occupant nazi et ses collaborateurs, l'écrivain-poète disait le bonheur qu'avait été pour lui, en dépit des deuils et des douleurs, ce temps d'existence clandestine, la liberté de ce moment affranchie de toute identité sociale. Parmi les autres mots qui lui étaient proposés, enfance, soleil, patrie, poésie, amour, sagesse ou encore nuit, il y avait l'Espagne, le pays de sa mère. L'Espagne de 36, du Front populaire, quand, en France, au ministère de l'Éducation, Cassou appartenait alors au cabinet de Jean Zay, dont il rappelait avec émotion, en plus du grand résistant, le grand ministre qu'il avait été. Le mot « administration » était là d'ailleurs une occasion pour Jean Cassou, qui fut longtemps conservateur en chef du Musée national d'art moderne, de dire la très haute idée qu'il se faisait de la fonction publique. Jean Cassou, dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois, le 18 septembre 1971, sur France Culture. Jean Cassou, êtes-vous prêt? Allez-y, je suis prêt, oui, avec un peu d'inquiétude, mais enfin je suis prêt. L'enfance. Ah. L'enfance m'occupe beaucoup, certainement, certainement. Non pas que je tienne beaucoup à mes souvenirs d'enfance, ni que j'ai des souvenirs d'enfance à raconter. Et même en général, je n'aime pas les souvenirs d'enfance. Mais l'enfance en tant que phénomène, à quoi mon enfance est sans doute mêlée, certaines particularités les plus secrètes de mon enfance, et puis une atmosphère générale d'enfance que je crois j'ai gardée, ou que j'ai cherché à garder, ou que je crois avoir gardé. Ça, je n'ose pas trop me prononcer, mais je suis persuadé que l'enfance occupe une grande part de toute mon existence. Et je le répète, pas seulement mon enfance, n'est-ce pas, mais un pays d'enfance, la part que mon enfance personnelle peut prendre à la vie de ce pays. De ce pays d'enfance, et qui fait que je rencontre quelquefois des choses dont l'odeur, l'aspect, la forme, l'aura me semblent provenir de ce pays, où je trouve certaines significations à des choses qui sont des significations que j'ai entendues dans mon enfance et qui me semblent ne devoir être entendues que de ceux qui ont gardé la même mentalité d'enfance, le même esprit, le même privilège d'enfance, le même pouvoir d'enfance. Les livres lus dans mon enfance, que ce soit de bons livres ou des livres de prix absurdes, n'est-ce pas, on lit tout dans son enfance, n'importe quoi. Eh bien, mais il y a certains livres que j'ai lus dans mon enfance qui ont certainement eu plus d'influence sur moi, au sens où il faut entendre le mot influence, hein, d'influence morale et littéraire, n'est-ce pas, que des auteurs célèbres, n'est-ce pas, ou que des livres, naturellement, que j'admire et dont la lecture a pu me bouleverser, n'est-ce pas. Mais je sais qu'il y a certaines sonorités de phrases et certaines atmosphères, certains climats que je cherche, dont j'ai la nostalgie, eh bien que ces climats, ces choses-là, me viennent de ces lectures d'enfance et de ces livres-là. Le soleil. Alors j'aime beaucoup le soleil, et j'ai horreur de la pluie. Ah, ça, c'est quelque chose dont je suis absolument sûr. Je hais la pluie. Je hais le vent, sauf à la mer. Parce que là, la pluie et le vent sont chez eux, à la mer. Ils sont dans le domaine de l'eau. Alors, je les admets, là. Mais ailleurs, je les admets pas. L'arbre. J'aime beaucoup les arbres aussi. J'aime beaucoup les arbres. Je crois que ce sont des êtres assez difficiles, d'ailleurs, et à décrire, et à peindre, et à comprendre. Je crois que c'est très étrange, les arbres, et c'est très particulier. Je crois qu'ils ont un grand quant à soi, et que certains ont une individualité très forte. Lorsque j'étais au musée, je prenais pour rentrer chez moi mon autobus sur la place de l'Alma, et près de cette station, il y a un très gros arbre, avec une écorce extrêmement rude, avec des reliefs, enfin, extrêmement intéressantes, et qui, les jours de pluie, prenait des teintes lustrées, extrêmement belles. Et j'ai beaucoup causé avec cet arbre en attendant mon autobus. Je l'aime beaucoup. La vérité. Oui, je crois que c'est une chose extrêmement rare dont on a très peur. C'est peut-être la chose dont les hommes ont le plus peur. C'est la vérité. Et c'est la chose qu'ils ont le plus de mal à avaler. Et ils s'arrêtent en route. Ils ne vont pas jusqu'au bout de la vérité. S'ils allaient jusqu'au bout de la vérité, très souvent, ils seraient épouvantés. Et peut-être épouvantés d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec la vérité. Et ils sont arrêtés en route, et ils sont arrêtés à des illusions et à des mensonges. Et je crois que c'est extrêmement grave, extrêmement sérieux. La vérité, qu'il ne faut pas la prendre à la légère, et qu'il faut en parler assez rarement. Mais alors, quand on est arrivé à trouver une vérité, alors là, il faut s'y tenir très fortement, et c'est extrêmement difficile parce qu'on est souvent très seul. L'écriture, vous entendez l'écriture littéraire ou bien l'écriture, la graphie, enfin l'écriture... L'écriture littéraire. Ah ben ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On parle beaucoup d'écriture, comme on parle de langage. Je ne sais pas. Je sais ce que c'est que le style, quelque chose à quoi on arrive et qui permet de se faire reconnaître. On se fait reconnaître à son style et on reconnaît un écrivain à son style. Et depuis quelque temps, on emploie énormément le mot d'écriture, je crois, à la place de style, ou bien pour dire autre chose qui me paraît extrêmement vague, mais j'avoue que là, je ne comprends pas. Je comprends très bien. On dit aussi l'écriture des peintres, n'est-ce pas ? Il est évident que l'on cherche à dire quelque chose par ce mot-là, n'est-ce pas ? Mais je crois que c'est un mot qui n'a pas encore trouvé son sens. Le temps. Ah bon, ça, c'est mon grand sujet. Je crois que c'est le sujet alors de tous mes livres. Et c'est le sujet, si vous voulez, le sujet de toute ma vie. Je sais que je suis un habitant du temps. Ça, je le sais très fortement, je suis dans le temps. C'est pénible, parce que c'est irréversible, ça s'en va. On ne revient pas en arrière, il faut toujours aller devant soi. Ce qui en reste, ce sont des souvenirs. Ben, les souvenirs, il y en a de bons, il y en a de mauvais, il y en a qu'on veut oublier aussi. On se bat beaucoup avec ces souvenirs. Il y en a au contraire, qui ont une très très grande importance dans notre présent, dans notre avenir, et qui existent en somme en fonction de ce présent et de cet avenir. Enfin, alors ça, le temps, je vous dirais, c'est peut-être la chose sur laquelle nous pourrions nous étendre le plus, parce que, je vous le répète, pour moi c'est la grande affaire, c'est la grande histoire. Que nous soyons des habitants de l'espace, ça n'a pas une très grande importance. Mais que nous soyons les habitants du temps, c'est, je crois, ce qui vraiment nous caractérise, nous définit. Si bien que nous sommes forcés de nous qualifier nous-mêmes en termes de destin, en pensant à ce qui nous arrive, à ce que nous pouvons faire. Tout cela nous situe dans le temps. Je me suis intéressé à la peinture toute ma vie, c'est une affaire entendue. Je crois que c'est par opposition à moi-même et pour changer de climat, pour aller ailleurs, étant donné que la peinture est de l'espace, elle n'est pas du temps. Mes véritables affinités, mes véritables vocations sont du côté de la musique et de la littérature, c'est-à-dire des arts du temps, des arts essentiellement temporels. Mais alors, il se trouve que la part, comment vous dirais-je, professionnelle, en même temps que studieuse et critique de mon esprit, enfin, la part, mon intellect, se sont intéressés à la peinture, aux arts plastiques, qui eux sont des arts de l'espace. Mais je le répète, c'est peut-être par opposition à moi-même, n'est-ce pas, pour m'obliger, avec plaisir d'ailleurs, je m'y suis obligé avec un immense plaisir et un intérêt passionné, mais justement pour m'obliger à me trouver ailleurs et faire l'effort de me mettre dans d'autres dispositions qui n'étaient pas entièrement les miennes. L'argent. Soit aussi, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui conditionne tout. Les hommes se distinguent entre deux catégories, ceux qui sont nés pauvres et ceux qui sont nés riches. Et je crois que tout vient de là. Tout vient de là, n'est-ce pas ? Toute leur formation, tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils penseront, tout cela vient de cette condition première. C'est la grande condition de notre existence personnelle, de notre existence sociale, par conséquent, de notre carrière, de notre métier, de notre vie, de nos arrangements avec la société et avec nous-mêmes. C'est l'argent, c'est la question d'argent. Et je crois que là, on est dans l'ineffable, qu'un pauvre, ou quelqu'un qui est né pauvre et qui a connu cela, n'expliquera jamais, n'est-ce pas, ce qui le distingue de ceux qui ne sont pas dans son cas. Je crois qu'il aura énormément de mal à faire comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est. Par exemple, je crois qu'un pauvre n'a pas de débat intérieur sur ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il n'a pas de débat moral de ce genre-là. Il ne dit pas « il est bien que je fasse ceci » ou « il est bien que je fasse cela ». Il ne peut penser qu'une chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Non pas qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je peux ? Et il est forcé ainsi de collaborer avec des conditions extrêmement étroites et avec des contraintes. Il doit ou les surmonter, ou les dépasser, ou lutter contre elles, n'est-ce pas ? Ou s'en accommoder, trouver un accommodement. Mais jamais, jamais il ne choisit. Et jamais il ne peut dire après, oh j'ai fait ça, c'était très bien. Ou j'aurais pu faire ci, ça aurait été très mal. Ou j'ai eu à choisir entre deux voies. Non, il ne choisit pas. Il collabore, il est impliqué dans quelque chose et il doit s'accommoder de ce quelque chose et trouver le moyen de former son destin à travers ce quelque chose et malgré ce quelque chose ou avec ce quelque chose. La résistance égale pour moi le bonheur. Ça a été la période la plus heureuse de ma vie. D'abord parce que choisir la résistance, et la choisir dans le moment critique où je l'ai choisi, ou quelques-uns assez rares comme moi l'ont choisi, c'est-à-dire tout de suite en 40, tout de suite à la débâcle, n'est-ce pas ? Eh bien, posait un très grand problème, pareil à celui que je viens de vous indiquer d'ailleurs, n'est-ce pas ? On se trouvait dans une contrainte abominable, n'est-ce pas ? Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Or, on ne peut rien faire. Comme je l'ai dit à des camarades qui prenaient le même chemin que moi, n'est-ce pas ? Ce que nous allons faire sera inutile, sera idiot, ça, mais il faut le faire parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Et alors, à cause de ce sentiment-là, n'est-ce pas, eh bien, je crois que la résistance a été quelque chose de très particulier. N'est-ce pas. Vraiment, c'était une circonstance dans laquelle l'action s'est posée sous un aspect très particulier. N'est-ce pas. C'est-à-dire l'impossibilité d'accepter ce qui est et l'obligation vitale de faire quelque chose contre ce qui est. Seulement, faire quoi ? On ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire. Par conséquent, on ne pouvait faire que de pauvres, chétives choses artisanales qu'on a faites. Et puis alors, après ça, bon Dieu, la résistance s'est développée. Et puis alors, pourquoi j'ai aimé la résistance et ce que ça veut dire pour moi, pourquoi je dis que ça a été le bonheur, c'est que ça a été la clandestinité. Ça a été la clandestinité, c'est-à-dire ce dépouillement de toute qualification sociale. Où étaient les hommes qui étaient dans la résistance, où nous étions, de ne pas connaître nos noms, d'avoir abandonné nos noms et d'avoir abandonné toute identité sociale, de n'être plus personne, de n'être plus qu'un résistant, et avec des gens qui étaient dans le même cas, dont on ne savait pas le nom, qui ne savait pas votre nom. Remarquez, on arrivait à savoir un peu qui on était les uns les autres, ça arrivait, mais en principe, n'est-ce pas, et d'une façon générale, on ne le savait pas. Eh bien alors ça, c'est un état prodigieusement agréable, parce que c'est l'affranchissement complet. C'est une libération totale, n'est-ce pas? On ne dépend plus des choses dont on dépendait avant. Et c'est pourquoi il a été très difficile pour beaucoup de résistants de reprendre la vie normale après, quand ça a été fini. De sorte que les hommes qu'on connaissait, qui étaient dans la résistance, c'était les seuls qu'on connaissait. Les autres, on ne les connaissait pas. N'est-ce pas ? Et on n'avait pas envie de les connaître. Les autres, eux, ils étaient inscrits quelque part. Eux, ils avaient une identité. Ils étaient SS, ils étaient miliciens, ils étaient collaborateurs, tout comme ça. Alors, on n'avait vraiment aucun intérêt à les connaître. Enfin, on ne tenait pas du tout à faire leur connaissance. Et on ne connaissait que des hommes qui étaient exactement dans le même cas que vous. Donc, ça a été un moment où l'homme a pu estimer l'homme. Eh bien, je crois que pour toutes ces raisons, je peux dire que malgré tant de peines et malgré tant de deuils et tant de camarades laissés en route et morts dans des conditions souvent atroces, eh bien, on peut dire que ça a été un très bon moment de l'existence de ceux qui l'ont vécu. L'Espagne. Eh bien là, vous touchez aussi à quelque chose qui est très profond chez moi, puisque ma mère était espagnole. Et, j'ai père français, puis j'ai toujours vécu en France, je suis français de père, de nationalité, etc. Mais avec un attachement particulier, intime, charnel, à l'Espagne et aux choses espagnoles, et toute une partie et de mon activité intellectuelle et de mon activité proprement dite a été consacrée à l'Espagne, de sorte que je peux dire que j'ai deux patries. C'est ce que j'ai dit un soir en 36, au moment du triomphe du Front Populaire en Espagne et en France en même temps. Et trois écrivains français du Front Populaire français avaient été envoyés en Espagne pour saluer leurs camarades du Front Populaire espagnol. Et au cours d'un grand dîner qui avait eu lieu pour nous et où j'ai parlé, où j'ai même parlé en espagnol, j'ai dit « j'ai deux patries ». J'ai senti que j'avais deux patries et que ceci n'était pas une division, c'était pas un déchirement, mais une richesse. Et au fond, d'ailleurs, l'homme le plus riche du monde, c'est celui qui peut se dire, comme Schiller, un Weltbürger, c'est-à-dire un citoyen du monde, et qui se trouve le compatriote de tous les citoyens, de toutes les patries du monde. De sorte que, à propos de l'Espagne, en même temps qu'à propos de la France, je peux vous dire ce qu'est pour moi cette notion de patrie. Eh bien, c'est le sentiment d'être rattaché à quelque chose qui souffre, qui lutte et qui peut être atteint dans son existence, qui peut être injurié. C'est le sentiment d'une blessure qu'on porte en soi. On aime vraiment sa patrie que lorsqu'elle est en danger ou lorsqu'elle souffre. Parce que aimer une patrie heureuse et se dire qu'on appartient à une partie heureuse, eh bien, ça, c'est un sentiment de suffisance, n'est-ce pas? Une patrie qui ne vous demande rien et à laquelle on ne demande rien et tout va bien, les affaires vont bien, tout va bien dans le bâtiment, cette patrie est puissante et considérée, bon, ben, ça va bien. Ben alors, être fier d'appartenir à une patrie comme ça, je le répète, c'est une vaine satisfaction, et c'est ce qu'on appelle le nationalisme, c'est la chose la plus horrible du monde. L'humour. Oui, l'humour, oui. On ne voit pas toujours où il est, mais il est dans toutes sortes de choses et il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas, je crois. Je ne sais pas, si on faisait une distinction, on dirait que peut-être que l'humour est plus discret que l'ironie. L'ironie se fait voir davantage. L'humour est peut-être quelque chose de plus secret et qui est un peu plus intégré à la nature des choses. Et il peut y avoir de l'humour dans les choses les plus funèbres et les plus déplaisantes. L'administration. Ah, il est d'usage d'en dire beaucoup de mal. Eh bien, moi, j'en dirais beaucoup de bien. N'est-ce pas ? Il y a une vieille histoire vulgaire comme quoi l'administration, c'est l'ennemi. N'est-ce pas ? Les gens derrière leur guichet, avec des paperasses, et puis qui font traîner les affaires, et puis avec qui on a toujours des histoires, des difficultés, n'est-ce pas ? Eh bien, rien de ça n'est vrai. Je suis un vieux fonctionnaire, n'est-ce pas ? Et j'ai toujours eu une idée très haute de la fonction publique. Et j'ai pensé que l'administration, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux. Il s'agit de faire marcher une machine, d'être le rouage d'une machine. Et cette machine, d'abord, elle a des mécanismes qui sont éprouvés, que l'on connaît, qu'il faut savoir manier. Et je crois qu'en tout cela, l'initiative personnelle a beaucoup plus d'importance qu'on ne l'imagine. Je crois que les règles administratives peuvent très bien s'accommoder d'initiatives personnelles. Elles sont ce qu'elles sont, voilà tout. Et il est bon qu'il y en ait. Alors, j'ai fait de l'administration toute ma vie. J'ai commencé par être simple rédacteur au ministère de l'Instruction publique. Et puis, j'ai eu pendant 20 ans une grande maison à diriger et à fonder, même, qui était le musée d'art moderne. Eh bien, quels que soient les caractères de l'appareil administratif, je m'en suis toujours très bien accommodé. N'est-ce pas ? On me disait toujours, ah, oh, vous devez avoir des histoires, avoir toutes ces histoires administratives, c'est très compliqué, tout ça. Mais non, mais pas du tout, toutes ces histoires. C'est une garantie. C'est là-dessus qu'on s'appuie pour faire marcher la machine. Et puis ensuite, n'est-ce pas ? Il y a les rapports personnels entre chefs de service, n'est-ce pas ? Ben, qui sont une chose extrêmement importante et qui font que l'on arrive à avoir, dans ce domaine-là, une politique personnelle et finalement à faire ce qu'on veut et à faire vraiment de l'action. Et une action qui est encadrée, qui est garantie et qui est effective. Par conséquent, je suis très disposé à faire l'éloge de l'administration. Le jardin des plantes. Ah, je l'aime beaucoup, oui. Je l'aime beaucoup. J'habite pas très loin du jardin des plantes. C'est certainement un des plus beaux jardins de Paris, un de ceux qui ont le plus de noblesse. Et en même temps, le plus de mystère, et tout le quartier autour est très beau, avec ces rues qui ont des noms de naturalistes, c'est-à-dire de gens extrêmement savants, mais dont la science porte sur les choses de la nature, et par conséquent qui ont je ne sais quel côté rousseauiste, qui est extrêmement touchant et poétique, certainement un endroit très poétique, ça, des plantes. La poésie. Alors c'est tout. Moi, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise de plus ? N'est-ce pas ? Il n'y a qu'à en faire, il n'y a qu'à la faire. Je n'ai jamais pensé à autre chose. Et dans tout ce que j'ai écrit, même en prose, je crois n'avoir jamais fait que de la poésie. Je crois que le fond de la poésie, c'est-à-dire le fond d'où l'on tire sa poésie, est infini et rempli de chance. N'est-ce pas ? C'est un exercice de l'esprit, n'est-ce pas ? Où l'on a toutes les chances, on a tous les plaisirs parce qu'on est dans l'indéterminé, on tire ce qu'on fait de l'indéterminé, n'est-ce pas ? Et si par exemple on fait de la poésie avec des rimes, ce qui peut toujours se faire, ce qui se fait encore à ce que je fais, n'est-ce pas ? Aussi bien que de la poésie libre d'ailleurs, mais enfin, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Et si on fait de la poésie avec des rimes, eh bien la rime sort d'une espèce de fond énorme, enfin, qui est l'univers entier, n'est-ce pas, l'univers entier, tout ce que vous avez dans la mémoire, tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous avez vécu, enfin, une expérience immense et indéterminée, vraiment l'infini, n'est-ce pas, on puise ce que l'on fait dans l'infini. La responsabilité. Oui, c'est aussi quelque chose que les gens n'aiment pas, qui n'aiment pas beaucoup, comme la vérité. C'est très difficile de prendre une responsabilité et d'avoir le sentiment d'une responsabilité. Il faut avoir une grande cohérence d'esprit et un grand sens du raisonnement. Il faut voir l'enchaînement des choses, il faut voir les rapports des choses entre elles. et les rapports des choses à soi-même. Et tout ceci demande beaucoup d'études, d'examens et de travail, le travail intérieur. Il est très difficile d'arriver à se créer sa responsabilité. N'est-ce pas, vous venez de me parler de poésie. Eh bien, c'est un domaine dans lequel on prend sa responsabilité. Moi, vous me direz, c'est facile. C'est facile dans ce cas-là, naturellement. N'est-ce pas? Je prends là ma responsabilité dans l'indéterminé, justement, dans la liberté la plus complète, en poésie comme en art, d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a un moment où l'artiste, le peintre, pour changer, n'est-ce pas, qui fait son tableau, décide d'arrêter son tableau. Il l'arrête, ne cherche plus. Il l'arrête à un certain point. Et bien alors là, il prend la responsabilité de son œuvre, il prend la responsabilité de son tableau. C'est fini, il le signe. C'est fini. Il est responsable de ce tableau-là. Alors, évidemment, c'est assez facile parce qu'il a fait ça en pleine liberté. Dans la plus totale liberté. Il a eu tout le temps qu'il voulait pour ça. Non, la responsabilité, ça, dans les actes de la vie privée comme dans les actes de la vie publique, c'est plus difficile. On est moins libre. Par conséquent, la responsabilité est quelque chose de beaucoup plus délicat à prendre. La solitude. La solitude, on devrait en parler. On fait de la sociologie maintenant. On étudie tous les problèmes sociaux, tous les problèmes de communication sociale, de rapport entre les hommes, entre les institutions, entre les organismes. Mais il y a quelque chose qu'on oublie dans tout ça. C'est le contraire de la vie sociale. Et ce par quoi peut-être la vie sociale n'existerait pas, qui est la solitude. Qui est le principe de tout. Comme le silence est le principe de la poésie et des arts, eh bien, la solitude est, je crois, le principe de toute action, et même de toute action sociale, et peut-être même, plus que de tout, de toute action sociale, parce que c'est tout de même dans la solitude que se forme la méditation, la réflexion, et que se prend la décision. Et cette pauvre solitude, elle est bien malheureuse en ce moment-ci. Ça, je crois que c'est quelque chose que nous perdons de plus en plus. Et mon Dieu, ça c'est un problème que je pourrais poser à mes élèves de l'école des hautes études, qui sont tous des sociologues. Qu'est-ce que devient la solitude? Est-ce que ce n'est pas un grand problème sociologique, un grand problème social? Qu'est-ce qu'on a fait de la solitude, n'est-ce pas? Où trouver encore la solitude? Quel est le refuge, quel est l'asile de la solitude? Je crois que là, il y a un problème qui tourne à la tragédie. La critique. Oui, alors ça, je n'y pense pas beaucoup. Je me demande si elle est possible, aussi bien en art qu'en littérature. Je me demande si elle est possible. Vous devez avoir vous-même votre opinion là-dessus, puisque vous êtes un si excellent critique. Et j'admire que l'on puisse être un bon critique. Je l'admire profondément parce que, essentiellement, je me demande si elle est possible, si elle peut essentiellement exister. Alors, je ne sais pas. N'est-ce pas? Il y a la création. La création, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Après ça, il y a l'œuvre créée. L'œuvre créée tombe dans le public. Le critique peut aider le public à comprendre cette œuvre ou à la juger, à l'estimer. Alors nous tombons là dans des questions d'évaluation qui sont extrêmement délicates. Il faut trouver des critères. Tout ceci me paraît extrêmement difficile. Et j'avoue que je n'ai pas encore résolu ce problème. Je pense qu'un créateur peut critiquer ses propres œuvres et celles des autres. Il peut analyser, il peut regarder comment c'est fait. Mais il le fait en créateur, il ne le fait pas en critique. N'est-ce pas ? Il regarde ce que fait le voisin. N'est-ce pas ? Il regarde comment le voisin fait son devoir. Mais critiquer me paraît une chose vraiment très très difficile et qui n'en a que plus de mérite lorsqu'elle est bien faite. L'amour. Oui, c'est aussi une chose absolument essentielle, surtout pour moi qui en ai beaucoup parlé dans mon œuvre. Je crois que la plupart de mes livres se ramènent à l'amour. Et là aussi, on peut, comme pour la solitude, se demander ce que devient l'amour dans notre société actuelle, ce qu'il a été dans diverses sociétés, dans diverses civilisations, n'a pas toujours existé. Je crois qu'il a été inventé à certaines époques. Je crois par exemple qu'il a été inventé à l'époque des troubadours. Les troubadours ont inventé l'amour. Et je n'ai pas l'impression qu'il existait avant. Enfin, avant aussi les romans comme Tristan et Isolde, n'est-ce pas? Il y a le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a inventé l'amour, a donné une image de l'amour. Platon aussi a donné une image de l'amour, mais conceptuelle, me semble-t-il plutôt, conceptuelle et métaphysique. J'ai l'impression que Tristan et Isolde ou bien les troubadours vont plus au fond de ce qu'est véritablement l'amour dans sa réalité concrète. Les romantiques ont inventé l'amour. Je crois pas que l'Antiquité, par exemple, ait connu l'amour. L'amour a dû commencer avec certains aspects du christianisme, certaines conséquences du christianisme. Je crois qu'il a été porté surtout au plus haut de lui-même par le romantisme, par les grands poètes et les grands musiciens du romantisme. Et de notre temps, alors ça, je sais plus trop ce qu'il peut devenir. Le musée. Ah! Eh bien, le musée. Le musée a été évidemment un grand événement de notre civilisation. Son invention au moment de la Révolution française a été un événement d'une très grande portée sociale et morale, puisque c'est avec le musée qu'est apparue cette idée de l'art bien commun. L'art est un bien commun, c'est le bien de la nation, c'est le bien de tous, c'est le bien du peuple, et non pas seulement la propriété de certains privilégiés. Par la suite, il a dû en arriver du musée comme de toutes sortes de grandes idées. Cela a pu dégénérer par pléthore, justement. J'en suis, après toutes les années d'expérience muséologique que j'ai faites, j'en suis à me demander s'il n'y a pas un excès dans l'idée du musée, si cette accumulation de documents n'est pas un signe de mauvaise santé, enfin n'est pas un alourdissement de l'existence, n'est-ce pas, s'il n'y a pas là une espèce d'hypermnésie, n'est-ce pas, de remplissage effroyable de la mémoire, une accumulation de passé sur laquelle on veille, que l'on développe, n'est-ce pas, et où tout devient document, tout devient précieux, tout doit être rangé, il ne finira pas de plus y avoir de place sur la planète pour ranger tout ça. Hein. Alors, ceci m'effraie un peu, je ne sais pas s'il ne faut pas aller à une notion nouvelle du musée. Jean Zay. C'est un merveilleux souvenir aussi que les années pendant lesquelles j'ai été au cabinet de Jean Zay, avec comme directeur un vieux camarade à moi qui est mort, que j'aimais beaucoup, qui était Marcel Abraham. Et nous formions là, autour de ce jeune ministre, toute une équipe de camarades, plein de jeunesse, d'enthousiasme. C'était l'atmosphère du Front populaire. Et Jean Zay était certainement un homme de très haute valeur et de très haute qualité. D'abord, ça a été un des grands ministres de l'éducation nationale ou de l'instruction publique que la France ait eu depuis Jules Ferry, enfin depuis les plus grands. Les réformes de Jean Zay ont été extrêmement profondes et on en retrouve l'esprit dans toutes sortes de revendications de mai 68. Enfin, sur la gratuité de l'enseignement, sur la disparition des barrières qui pouvaient exister entre différents enseignements et qui étaient en réalité des barrières économiques et sociales, n'est-ce pas? Enfin, il a fait de très très grandes choses. Il en a fait aussi dans l'ordre des Beaux-Arts, puisque les Beaux-Arts étaient rattachés à son ministère et j'étais appelé à son cabinet pour justement m'occuper de ces questions-là. Dans tout ce domaine, eh bien, il a fait de très grandes choses dans le domaine du théâtre, dans le domaine de l'élargissement du rôle de l'État dans la création culturelle, c'est pas le soutien qu'il a apporté au théâtre d'avant-garde de ce temps-là, qui était Peter F. Dulin, etc. N'est-ce pas, il était l'ami des peintres, il était l'ami des poètes, et c'était un homme de très haute conscience et qui avait une très haute conscience de la nouveauté qu'il fallait introduire dans les choses de l'enseignement, de l'éducation, du savoir et de la propagation du savoir. Dans cette idée que la culture est une chose constante et que le ministère a droit de regard là-dessus, non pas droit d'autorité, mais droit de regard et véritablement d'administration. En même temps, ça a été un grand républicain, un homme très courageux et qui est mort de la façon la plus tragique, mais en héros. Et c'est une très belle et très grande figure de notre temps. Vienne. Ah, j'ai écrit, en effet, dans ma jeunesse, un roman intitulé « Les harmonies viennoises » et je n'avais pas encore été à Vienne quand je l'ai écrit, de sorte que Vienne est pour moi une ville songée, a été pour moi une ville songée, parce que j'y suis retourné depuis j'ai pu vérifier. Mais la Vienne qui me reste dans l'esprit, c'est cette Vienne que j'ai songée, cette Vienne à laquelle j'ai rêvé à travers sa musique et à travers ma propre jeunesse, n'est-ce pas, et les premiers éveils de ma sensibilité de créateur, de poète. La gloire. Oui. Ça, je crois que ça occupe des gens. Ça occupe des gens. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que ça ne m'occupe pas? Vous penseriez que, je ne sais pas, que je pose, que je fais le difficile et que je me moque de vous. Mais je crois que la gloire, c'est quelque chose d'intérieur, et que on accorde dans son esprit la gloire à certaines grandes figures qu'on aime, qui vous paraissent valables, et qui ont occupé une grande place dans l'histoire du monde, ou une place peut-être modeste, parce que cette gloire que l'on donne peut aller à des gens qui n'ont pas une très grande gloire, qui n'ont pas une très grande renommée, de sorte que la gloire est un mot extrêmement équivoque. Bon. Le tiercé. Ah, je suis tout à fait incompétent. Ah, ça vraiment, mais totalement incompétent. Le champagne. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mon Dieu, et je suis maintenant à un âge où l'on ne boit plus beaucoup. Je me suis aperçu que je vieillissais du jour où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus me saouler. Je pouvais boire, ça ne m'enivrait plus, ça ne me mettait plus. Non pas que j'ai jamais été un ivrogne, mais enfin, j'ai toujours eu plaisir à boire et à me trouver dans cet état d'allégresse, n'est-ce pas, où vous met le bon vin. Eh bien, il est arrivé un jour, je me suis aperçu que je ne pouvais plus y arriver. Je buvais. Et quand je buvais, j'étais malade, c'est tout. Mais je n'étais pas content. Je n'étais pas heureux. Alors là, j'ai compris que je vieillissais. Et alors, le vin que je me permets encore, quelquefois, c'est le champagne. Parce que vraiment, c'est le plus intelligent de tous les vins. La sagesse. J'aime pas beaucoup ce mot-là. Je voudrais pas atteindre à la sagesse, parce que c'est pour le coup que je me sentirais vieux. Mais pas du tout. J'aime mieux la passion que la sagesse. Maintenant, il y a un état de passion qui est au-delà de tous les débats intérieurs et que l'on peut appeler une forme de sagesse, qu'on peut considérer comme une forme de sagesse. Il y a un état de détachement, d'ironie supérieure, d'ironie complète, n'est-ce pas, de détachement, d'affranchissement total, n'est-ce pas, que l'on peut appeler la sagesse. Mais ce n'est pas ce que les gens appellent la sagesse, ce n'est pas parce qu'ils entendent la sagesse. Et alors la sagesse est un mot qui, au fond, me déplaît profondément. La nuit. Oui, la nuit. J'ai énormément aimé la nuit. Quand j'étais jeune, j'étais extrêmement Noctambule, beaucoup. Errer la nuit, aimer. Et aimer la nuit. Aimer profondément la nuit et l'aspect d'aventure que prennent les choses dans la nuit. L'aspect de hasard et de rencontre que prennent les choses dans la nuit. La figure nouvelle qu'ont les rues, qu'ont les sites, les paysages dans la nuit. L'esthétique. L'esthétique n'est pas une science. C'est un exercice de l'esprit qui a de très grandes ambitions parce que il cherche à introduire de la clarté dans des choses obscures qui sont les choses de la création artistique et qui sont les choses de la sensibilité, n'est-ce pas ? Esthétique veut dire d'ailleurs sensibilité, n'est-ce pas ? Et dans les choses que nous accueillons, que nous recevons par intuition sensible. Alors tout cela est extrêmement difficile. Et faire une science là-dessus est un projet évidemment très ambitieux, mais en même temps nécessaire. Parce que tout de même, l'esthétique se propose de parler de ces choses-là en les prenant pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles sont réellement. La sociologie, l'histoire, la critique parlent des œuvres d'art une fois qu'elles sont faites, n'est-ce pas, et de leur caractère et de leur rôle dans des échanges sociaux, une fois qu'elles sont mises sur le marché, qu'elles ont de l'influence sur l'esprit, qu'elles sont des biens de civilisation, qu'elles participent à des mouvements de civilisation. L'esthétique, ainsi que son nom même l'indique, n'examine ces choses que dans leur genèse, n'est-ce pas ? Alors qu'elles se font et alors qu'elles agissent tout de suite sur la sensibilité. Par conséquent, les prennent non pas comme des choses faites, mais comme des choses se faisant, des choses en train de se faire. Et je crois qu'elles sont dans la vérité, parce que toutes ces choses-là ne sont pas des choses créées, ce sont des choses qui ont été créées. Ce sont des créations, et c'est dans le moment de leur création qu'il faut les examiner. Eh bien, l'esthétique les examine. Alors évidemment, elle cherche des méthodes scientifiques pour les examiner. Ces méthodes peuvent être plus ou moins adéquates, n'est-ce pas ? Et aller plus ou moins au fond de la réalité qu'elles examinent. Mais tout de même, n'est-ce pas ? Elles s'adressent vraiment à l'objet auquel elles doivent s'adresser, n'est-ce pas ? En prenant véritablement l'art pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une création. La musique. La musique de tous ces arts est sans doute l'un des plus étranges, parce que nous ne pouvons pas faire de compromis, de malentendus avec lui, comme nous en faisons avec la littérature ou avec la peinture, n'est-ce pas, où il y a des rapports avec le monde extérieur. Avec la musique, il n'y a aucun rapport avec le monde extérieur. Et c'est un art qui, dans sa technique, se sert d'éléments qui n'appartiennent pas au monde extérieur, qui n'appartiennent absolument qu'à la musique. Les sons de la musique ne sont que les sons de la musique. De sorte que c'est l'art le plus isolé, peut-être, et le plus spécifiquement art. Je crois que lorsqu'on parle de l'art et qu'on essaye de trouver quelques vérités sur l'art, sur l'été de l'art, eh bien, c'est peut-être en prenant la musique comme exemple et en se plaçant sur le terrain de la musique qu'on arriverait à définir de la façon la plus précise et la plus vraie ce que c'est que l'art et ce que c'est que la création artistique et la singularité de cette opération. Parce que alors là, en musique, elle est tout à fait singulière et avec aucun compromis, avec rien d'autre qu'elle-même. La mort. J'y pense beaucoup aussi. J'y pense énormément, énormément. C'est peut-être le côté espagnol chez moi qui fait que j'y pense beaucoup, que j'y pense d'ailleurs à la façon dont les Espagnols y pensent, c'est-à-dire avec sarcasme et avec une très grande familiarité. J'aime énormément les cimetières, j'aime énormément me promener dans les cimetières et j'ai un goût joyeux pour tout ce qui touche à la mort. La mort me fait un très grand plaisir et j'y pense énormément. J'y pense énormément. Elle m'occupe beaucoup. Je la trouve présente un peu partout et sans que cela m'attriste, ni m'inquiète, ni me trouble en absolument aucune façon. Elle est notre acte le plus naturel, le plus fatal, et le plus évident. Alors, elle viendra quand elle viendra, mais je n'éprouve aucun sentiment tragique de la mort. L'essentiel. L'essentiel, eh ben oui, ben il faut toujours le chercher, il faut aller à l'essentiel de tout, de tout, de tout, sans aucune illusion. C'était Jean Cassou, au micro de Pierre Lost, dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 18 septembre 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance. This is a fine Emotion. a fine romance with no quarrels, with no insults and all morals. I never bust the crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance.